3, 4. J'ai du mal à me contrôler, oh yeah. J'ai du mal à respirer, tu sais. J'ai du mal à me concentrer, oh yeah. Manon casse la glace, oh yeah. Danny, dis-moi pourquoi pas. T'envoie pas, t'en veux pas. Dis-moi pourquoi pas. Le feu fond à bout de la glace, oh yeah. Je félicite à tout créer. Wow! Ah! Oh! Ah! Yeah! Ah! Danny! Danny! Dis-moi pourquoi pas. Pourquoi?